À l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il, les militaires, les travailleurs de tous les milieux, les jeunes élèves de tout le pays ont déposé les corbeilles, bouquets et tiges de fleurs devant les statues du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il et leurs portraits en sourire. Leurs statues en bronze sur la colline Mansu ont été visitées par d'innombrables militaires, travailleurs, jeunes et enfants. Devant, il y avait la corbeille de fleurs envoyée par le maréchal Kim Jong-un, celle au nom des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations sociales, des ministères, des établissements centraux, des unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements, des entreprises, des usines, des écoles de Pyongyang, ainsi que de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Les visiteurs ont formulé leur hommage aux grands leaders. Les statues et portraits en sourire des grands hommes coréens à l'université Kim Il-sung, au ministère des forces populaires, au centre de création artistique Mansudae et dans d'autres unités d'activité ont été fleuries par les unités militaires, établissements et entreprises. D'ailleurs, dans les autres régions du pays aussi, leurs statues et portraits en sourire ont été fleuries par les militaires, travailleurs, jeunes et enfants.